Suzanne. Décembre, il est 13h, le journal Henri Seldon. Malgré une nuit agitée, des pillages sporadiques et de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre, le calme semble être revenu à Paris ce matin, où la police maintient le bouclage de plusieurs zones. Le quartier de Barbès, particulièrement exposé pendant les récents événements, de nouveaux victimes de la barbarie terroriste. Le commissariat a reçu aujourd'hui plusieurs lettres piégées, engins artisanaux qui ont grièvement blessé un policier. Des arrestations sont en cours. En marge de Barbès, où de nouveaux foyers d'émeutes semblent se déclarer, la SNCF a repris le trafic ce matin Gare du Nord, où nous retrouverons tout à l'heure Étienne Lagrange en direct. La mobilisation policière continue et l'armée semble préparée à éventuellement intervenir pour aider à sécuriser certains quartiers toujours incontrôlés. Nous y reviendrons. Enfin, début de polémique à l'Assemblée nationale. Selon un député de la majorité proche de Didier Julia, les émeutiers qui font régner la terreur à Paris auraient séjourné dans des camps d'entraînement situés en Afghanistan. C'est donc une nouvelle journée de violence à laquelle sont confrontés les Parisiens. Ce matin vers 8h, l'information est confirmée par la préfecture de police. Des lettres piégées ont explosé au commissariat central du 18e arrondissement, blessant grièvement un jeune auxiliaire de police qui a dû être amputé de plusieurs doigts. De nouvelles arrestations sont en cours, d'où un regain de tension dans le quartier de Barbès déjà très sensible. Par ailleurs, on vient de l'apprendre à l'instant, des tirs à l'arme lourde ont été signalés à la station La Chapelle et sur deux autres stations du métro aérien de la ligne 2. Aucune information supplémentaire n'est pour l'instant disponible, mais nous y reviendrons évidemment dès que nous en saurons un peu plus. En attendant, ce qui semble se dégager des points contradictoires reçus en ce moment même à la rédaction, c'est qu'un bazooka artisanal aurait été utilisé à plusieurs reprises par un groupe d'individus non identifiés. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que les armes de guerre sont utilisées en plein Paris à des fins terroristes. Un précédent qui risque de faire couler beaucoup d'encre et d'alimenter la polémique nationale. Dans l'attente d'éléments nouveaux, nous retrouvons tout de suite Étienne Lagrange en direct à la gare du Nord. Étienne, la SNCF a repris le trafic depuis ce matin 8h. Que se passe-t-il maintenant ? Eh bien écoutez, le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses se sont vraiment compliquées depuis ce matin et ont même dégénéré depuis seulement quelques minutes. Alors tout était calme jusqu'à maintenant, mais il semble que de nouvelles émeutes aient encore une fois éclaté au sein même de la gare du Nord. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, les agents de la SNCF et de la RATP auraient bloqué certains accès qui empêcheraient les usagers de se diriger vers le métro. Alors il y a une énorme queue ici, des gens se bousculent, c'est une véritable panique et il me semble même voir des flammes s'élever au-dessus de la foule. Mais il y a beaucoup de monde et les mouvements de la foule m'empêchent de m'approcher. Je vous recontacte dès que possible pour faire un point plus précis sur la situation. En tout cas, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il règne une panique indescriptible à la gare du Nord et on peut craindre que tout cela entraîne de nouvelles victimes. En direct de la gare du Nord, Étienne Lagrange pour FPI. Oui, merci Étienne. Nous attendons de vos nouvelles très rapidement. Donc, de nouvelles émeutes donc à Barbès, une panique à la gare du Nord. La journée avait pourtant démarré dans le calme, mais la situation dégénère à nouveau. Derrière ces émeutes, la main d'Al-Qaïda, c'est en tout cas ce qu'affirme un député de la majorité, Jean-Charles Delancry. Selon lui, les meneurs du désordre actuel auraient séjourné dans des camps afghans où sont formés les combattants du djihad international. Notre correspondant à Kaboul a tenté d'en savoir plus. L'Afghanistan ne doit pas être le bouc émissaire du désordre mondial. Mon peuple mérite davantage de respect. C'est sur un ton virulent que le président afghan Hamid Karzai a réagi aux propos de Jean-Charles Delancry. Hier, à l'Assemblée, le député français avait insinué que certains meneurs du mouvement qui ravage actuellement Paris pourraient avoir été formés dans les camps d'entraînement du sud de l'Afghanistan. Notre engagement dans la lutte contre